dis-moi que je sens très bon. Dis-moi que tu m'aimes comme je t'aime. Tes grands yeux me dévorent. Tu es merveilleux, une constellation. Tes sourires portent mon bonheur, mon trésor. Tes sourires sont les mélodies qui font danser ma vie. Tu es la mélodie de mes rêves. Mes foires s'évanouissent. Silhouette fine, minuscule, une goutte de sel plongée dans l'océan. Je ne sais pas dans l'immensité quand à nouveau je te rencontrerai. Joue à nous séparés. Et chaque jour, la torture de ton absence.